BR Metal, avec 4 divisions, mobilierpublic.com, BR Industrie, Aluco et BR Peinture Industrielle, est une entreprise en pleine expansion avec plus de 45 employés. Pour nous, la jeunesse et l'économie nous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous sommes très heureux d'être partenaires de la chronique du président du hockey mineur David Lamontagne. BR Metal, 353 Gustave Dessuroy d'Olbeau-Mistassini, 418-276-5888. Les employés et la direction de BR Metal souhaitent une bonne saison à tous les hockeyeurs et les équipes de d'Olbeau-Mistassini. On va parler du hockey mineur de d'Olbeau-Mistassini. On va faire une chronique comme on l'a fait avec comme on l'a fait toutes les années avec David Lamontagne. Et surprise, je pensais pas qu'elle allait revenir parce que l'année passée, il est tout pointant qu'elle revenait pas. On lui parle. Salut David! Salut Danny! Ouais, t'étais pas supposé de parvenir? Ouais, c'était supposé être ma dernière année là. On va espérer que c'est ma dernière année cette année. Il y a quand même beaucoup de nouveaux mondes au sein de notre CA cette année, du nouveau. On va essayer de passer le flambeau pendant l'année, puis pour que l'année prochaine, on ait un nouveau président. Ben oui, puis je pense que quand tu parles de jeunes et de nouveaux, ben il y en a un qui reviendrait dans le décor, puis ce serait une belle acquisition pour vous autres, René Saint-Pierre. Oui, René, il y a un beau bagage de passer avec un garçon. Il est embarqué dans le comité avec son petit garçon, son petit dernier. Là. Ouais. Il y a des retours, il y a du monde qui revient dans le CA, il y a du monde qui a des nouvelles personnes aussi. C'est okay. Bon, ça prend un petit vent de fraîcheur. Qui revient à part René? Tu m'as parlé de gens d'expérience, est-ce qu'on peut les nommer? Ben, des gens d'expérience, tu sais, c'est sûr que René veut pas, il y a beaucoup d'expérience, mais tu sais... c'est sûr qu'on a eu le départ de Dominique, notre registraire. Là, on a Mélanie Lemay qui l'a remplacé. Okay. Après ça, il y a du... Mélanie Gay, c'est ça? Pardon? Mélanie Gay, non? Est-ce que c'est Mélanie Gay qui la remplace? Lemay. Ah, OK. Non, je connais pas Mélanie. Ouais. OK, ensuite? Après ça, c'est pas mal ça dans les nouveaux. Il y a beaucoup de monde de nouveaux de Normandin. Les représentants de Normandin, on a des nouvelles personnes aussi. Ça a changé aussi. Okay. Après ça, on a eu l'ajout cette année un entraîneur maître de plus avec Sébastien Leclerc. Fait que, t'sais, on a quand même trois entraîneurs maîtres pour notre secteur. Mais là, j'ai su que t'as une très grosse perte. T'es rapide de Dolbeau-Mistassini qui, année après année, avait une équipe. C'était pas toujours compétitif, mais l'année passée, vous étiez fort. Ne sont pas là cette année. C'était ma grande surprise. On a perdu beaucoup de joueurs. Oui, à cause du scolaire. Hein? Oui, on a perdu beaucoup de joueurs dans le scolaire cette année. Mais si ça nous touchait moins l'année passée, mais cette année, il veut pas. On a de la difficulté à faire un Pee-wee 2B cette année. Puis dans le Bantam, on n'a pas d'équipe double lettre cette année. David, je posais la question, je parlais avec des gens. Là, vous êtes rendu, je pense qu'on est rendu à croiser des chemins. Tu es d'accord avec moi? Si le hockey scolaire est pour prendre la place carrément, qu'ils apprennent tout de suite, puis que ça finit là, parce que là, tu sais, les castors de Dolbeau. Prendre la place, on aurait des scolaires partout. Mais ouais. Présentement, il y a un scolaire juste à Robertval. Ça fait quand même, la distance est quand même assez loin là, pour les jeunes d'aller c'est quand même à Robertval. Ça fait que c'est un peu ça. On dit on est à la croisée des chemins. C'est embêtant. T'sais, en même temps, faut comme c'est un ajustement. Un ajustement qui est difficile, c'est que c'est jamais pareil d'une année à l'autre. Une année, il va y avoir plus de joueurs de Robertval, Saint-Félicien qui vont aller dans le scolaire. L'autre année, ça va être de notre secteur. Puis cette année, ben on a beaucoup de joueurs dans le Benjamin, beaucoup de joueurs dans le cadet. Donc j'ai hâte parce que je vais parler avec Simon Gaudreau demain, parce qu'on a une chronique des aigles, puis je vais quand même lui poser la question. Est-ce que vous allez c'est sûr que lui, ça dépend du nombre d'équipes, mais quand même, c'est parce que quelque part, je prends l'exemple des castors. Si les rapides ne jouent pas, ça va faire quoi, là? Tu sais, pour la survie de l'équipe. Présentement, pour nos castors, là, pour les castors. Là, pour les prochaines années, l'année passée, c'était pas un problème. Cette année, on n'a eu qu'un problème pour faire une équipe. Puis je m'attends à ce que l'an prochain, ça sera, on n'aura aucun problème non plus pour l'an prochain. Mais il reste que pour le futur, comme tu dis, ben, c'est sûr que les joueurs qui sont partis dans le scolaire vont survenir, on ne sait pas. Mais c'est toujours un questionnement, c'est sûr. Puis là, la question, ben, on voit d'année en année, puis on y va, on n'a pas le choix de vivre avec ça, là. Mm. C'est la nouvelle réalité. Non, c'est vraiment très... Mais là, je pense qu'il va y avoir du joueur qui va remplacer, hein? Pour le Bantam, c'est ça? Oui, le Bantam, autrement dit, au lieu de faire un 2B, un A, un B, on fait un A et un B cette année. OK. Mais pour ce qui est des équipes double alerte, c'est pas mal... ça se termine en fin de semaine, les camps. Ça fait que, normalement, dimanche, on a un Atome 2B, on a un Pioui 2B, et puis les castors dans le midget 2B. Donc, cette année, on va prendre une pause pour les rapides Bantam 2B. Le circuit existe encore? Parce que Mastouillage n'est pas là depuis cette année, depuis l'année passée. Les rapides sont pas là cette année. Le circuit existe? Ouais. Ben, ils ont quand même, je ne sais pas combien d'équipes qu'ils vont avoir cette année, là. Mais autrement dit, ils vont faire l'année avec une équipe de moins pour une année. C'est dur à prévoir, parce que c'est dur à prévoir pour la perte de Mastouillage, ouais. Mais cette année, c'est avec la perte de Saint-Jean-Nord. Ça fait que, ouais. On va voir l'année prochaine. C'est sûr que on verra le nombre de retours l'année prochaine ou le nombre de joueurs qui s'en vont dans le scolaire. Mais chaque année, mais on a un ajustement à faire à cause de ça. C'est dur de décoller quelque chose que vous avez déjà. C'est dur de décoller On l'a fait avec les castors. Les castors, ouais. Il y a une année, il n'y a pas eu d'équipe. L'année d'après, on a fait une équipe. Tu sais, c'est toujours. Il faut avoir le bon nombre de joueurs. Il faut avoir les joueurs pour faire une équipe double. Parce que autre chose, les arbitres. C'était un problème. J'ai vu un article dans le Nouvel Hebdo récemment. C'était un problème, me semble, recruter des arbitres et ainsi de suite cette année. Comment ça va de ce côté-là? C'était un problème, mais tu sais, comme là, nous autres, on a une formation chez nous le 21, en fin de semaine. On a une formation pour les arbitres. Okay. Puis, chez nous, là, je te dirais, pour les jeunes arbitres, là, les arbitres... Je te dirais que, regarde, dans mon équipe, il y a plusieurs gars qui ont eu du succès junior majeur. Mais, tu sais, David Lemieux qui finit son année en ratant encore une fois. Je comprends pas, là. Il se touche Dolbeau, mais il se signe le multiconsonnaire. J'aimerais que tu m'en parles. Oui, un joueur qui était admissible parce qu'il respectait tous les critères d'admissibilité de la Ligue, mais qui faisait pas partie de la liste de protection. La liste de protection fait partie de notre réglementation, mais on n'a pas de sanction. 276-1316. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford, Dolbeau Mistassini, vous invite à visiter notre page Facebook. Donc, est-ce que. Là, on a appris de très mauvaises nouvelles. Ian Brooks ne sera pas là demain contre. L'accident de voiture il y a quelques années. Mm. Il avait pris une pause et les Spurs. C'est souvent des Américains qui sont là. Il n'y a pas d'entraîneur canadien encore. Il n'y a pas de carrière canadienne. Yeah, ouais. Et à court terme et à moins long terme. Ben, c'est une forme de développement accéléré aussi pour moi, puis c'était vraiment... Que moi, ce que tous les experts disent, c'est ça qui manque.